Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, Franck Ferrand nous propose une émission d'hommage à Oscar Wilde. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. On célébrera demain l'anniversaire de la mort d'Oscar, le 113e anniversaire. Et pour l'occasion, j'ai convié à nous rejoindre le nouvel académicien Xavier Darcos, auteur d'un passionnant ouvrage intitulé « Oscar a toujours raison ». Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Floriana, qui nous l'a envoyé via Facebook, et qui vous demande des précisions sur les origines de l'Allemagne en tant qu'État. Et ça nous ramènera à l'autre grande guerre, celle que les Allemands appelaient la Grande Guerre, celle de 1870. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Il y a 113 ans aujourd'hui, l'un des derniers jours du 19e siècle, le 30 novembre 1900, un monsieur qui se faisait appeler Sébastien Melmotte et qui survivait à l'hôtel d'Alsace, rue des Beaux-Arts, tout près de l'école des Beaux-Arts, était en train, à l'heure même où je vous parle, était en train de rendre son dernier soupir. Il mourait d'une méningite consécutive à une otite mal opérée. Il mourait, comme il l'avait dit lui-même, au-dessus de ses moyens, pauvre, abandonné, relégué, et d'ailleurs quelques jours plus tard il sera enterré dans l'indifférence générale, un enterrement de 6e classe au cimetière de Bagneux, le plus loin possible de Paris et de ses mondanités, lui qui avait été le roi de Londres et le héros de Paris, l'ami des princes, des poètes et des artistes. Cela faisait à peine plus de 3 ans qu'il était sorti de geôle, il avait été proscrit, rejeté par l'Angleterre victorienne, à peine toléré par la France de la Belle Époque. Il était l'auteur de quelques-unes des pièces les plus brillantes de la scène londonienne pourtant, et de contes, et de nouvelles, et d'essais paradoxaux, et d'une foule de formules brillantes, l'auteur d'un seul roman dont je vais vous parler dans un instant. Disons qu'à l'époque, en ce 30 novembre 1900, il n'y eut personne pour s'en souvenir. Jules Massenet sur Europe 1, un extrait de Méditation de Thaïs, interprété par le violoniste Gitli Sivri. Céline le disait tout à l'heure, c'est devenu une tradition. Tous les 30 novembre, depuis maintenant de nombreuses années, je consacre une émission à Oscar Wilde. Alors nous avons parlé à peu près de tous les aspects. Nous avons évoqué la jeunesse de Wilde et son tempérament irlandais et sa famille. Nous avons parlé d'autres années, évidemment, de son procès et de toute cette terrible, cet énorme scandale qui a littéralement balayé l'Europe. Nous avons parlé de diverses œuvres. Aujourd'hui, j'aimerais m'attarder un peu à ce fameux roman d'Oscar Wilde, au portrait de Dorian Gray. Il faut vous dire qu'en 1882, Wilde avait fait aux États-Unis un voyage qui restera dans les annales. On connaît sa réponse au fonctionnaire des douanes qui lui demande ce qu'il a déclaré à ce moment-là. Rien, dit-il, et il se reprend « mon génie » en toute simplicité. Il faut imaginer ce jeune homme tout à fait dandy, un tournesol à la boutonnière. Parfois, d'ailleurs, il se promenait avec sa fleur de tournesol comme une sorte d'icône. Et il s'amusait, bien entendu, de toutes les rumeurs qui le suivaient. Il s'amusait à faire jaser et lui-même à gloser à l'infini devant des salles combles. Il faut imaginer ces Américains qui venaient en nombre assister à ses conférences, bien surpris de l'entendre philosopher sur la mode, sur la décoration des maisons. Il avait 3 thèmes de conférences lors de cette tournée de 1882, la mode, la décoration des maisons, la poésie. La conférence sur la poésie tournait volontiers à la prise de position sur l'esthétique en politique. Bref, ce qui animait ce personnage, c'était au fond le style, et plus profondément peut-être le rôle social de l'art. Et en cela, il était non seulement un lecteur, mais certains diraient un plagiaire de Ruskin, car il citait des passages entiers de Ruskin dans ses conférences. La perfection formelle, voilà ce qui animait à l'époque ce jeune homme, faire entrer le beau dans les foyers. Vous savez, il avait cette phrase pour commencer ses causeries, il disait « un homme devrait être soi-même une œuvre d'art, ou bien il faudrait qu'il en porte une ». Porte, pas au sens, porte au sens qu'il soit lui-même porteur d'un message artistique. Au cours de cette tournée, il va rencontrer un certain monsieur Stoddart. Alors ça, c'est très important. Ce bonhomme est le propriétaire d'une revue américaine. Il s'appelle Lippincott's Motherly Magazine. Et c'est ce monsieur qui va le motiver pour écrire un roman. Alors au départ, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Cet Américain a été très impressionné par Oscar Wilde. Il continue à correspondre avec lui après le retour d'Oscar en Angleterre. Et puis quelques années plus tard, en septembre 1889 exactement, il lui propose de le revoir à Londres. Or, au dîner qu'il organise, se trouve également présent un certain Arthur Conan Doyle. Preuve entre nous que cet Américain n'avait pas mauvais goût. Et il va faire une proposition, ce patron de presse, si vous voulez, va faire une proposition assez extraordinaire à Oscar Wilde et à Sir Arthur Conan Doyle. Il leur propose d'écrire une nouvelle, un texte relativement long qu'il publiera les yeux fermés. Et les deux auteurs vont se prendre au jeu. Conan Doyle va publier son étude en rouge. Entre parenthèses, ça n'est pas rien, car c'est le premier texte dans lequel apparaît un certain Sherlock Holmes. Quant à Oscar Wilde, il écrit une nouvelle. Au départ, ce n'est qu'une nouvelle, le portrait de Dorian Gray, qui est directement inspiré évidemment de La peau de chagrin de Balzac, qui s'inspire aussi sur pour son atmosphère, pour sa moralité ou son immoralité, c'est toute la question de l'œuvre, du roman célèbre de Huysmans, Carl Joris Huysmans, À rebours. Vous savez que c'est le roman qui est à l'origine de tout le courant dit décadentiste. Dès le printemps 91, Wilde va publier sa nouvelle, mais alors pour l'occasion, il l'étoffe, il lui ajoute 6 grands chapitres, très important car ce sont des chapitres quasiment théoriques. Ça va devenir alors là un véritable roman qui n'est pas sans rappeler dans sa dimension fantastique et décadente, qui n'est pas sans rappeler le cas étrange du docteur Jekyll et Mr Hyde de Stevenson. On est dans cet esprit-là. Voilà ce que nous dit Pascal Acquien, qui est mon complice habituel à ce micro lorsqu'il est question d'Oscar Wilde. Il nous dit « Le thème du portrait magique n'est en vérité pas propre à Wilde. » Mais il a le mérite paradoxal de minorer l'originalité du roman pour mieux en souligner la puissance. Et oui, si d'autres se sont livrés au même exercice, alors on va pouvoir voir ce dont Wilde lui-même est capable. Et Pascal Acquien d'ajouter, un autre grand axe thématique, évidemment lié à ce qui précède, est la question du double exploité dans le roman avec originalité. Le double, la représentation, bref, disons-le, l'effet miroir, voilà le cœur même de cet ouvrage. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Debussy sur Europe 1, on écoutait un extrait de Fantaisie pour piano et orchestre. Revenons avec vous, Franck Ferrand, au portrait de Dorian Gray. Alors, il y a quand même bien une dimension morale dans ce portrait de Dorian Gray, ou tout au moins philosophique. Wilde écrit lui-même dans la préface « Il n'existe pas de livre moral ou de livre immoral ». Voici la phrase fondamentale, à mon avis essentielle, que cite Xavier Darcos dans son ouvrage « Oscar a toujours raison ». L'immoralité est un mythe inventé par les honnêtes gens pour expliquer la curieuse attirance qu'exercent les autres. Après la parution du portrait de Dorian Gray, écrit Xavier Darcos, Wilde avait dû baisser les masques. Son nom évoquait d'emblée des sujets malsains, des choses horribles, des personnages dégoûtants. La critique fut unanimement hérissée, à de rares exceptions près, dont Mallarmé, je vais y revenir. Son livre, quoique brillant, semblait un bréviaire diabolique. Pour l'heure, ses fumées scandaleuses ne jetèrent pas sur l'auteur un opprobre définitif. On y vit une provocation talentueuse, une désinvolture insolente. Mais plus tard, elle sera mise à son passif. Le fait est que la critique est tout à fait hostile. Alors on a tout entendu à propos du portrait de Dorian Gray. À l'époque, les journalistes parlent d'un roman lascif et ésotérique, stupide et vulgaire. Le mot qui reviendra le plus souvent, et ce sont les critiques anglais qui l'ont remarqué, le mot qui reviendra le plus souvent sous la plume de ceux qui parlent de l'ouvrage est le mot répugnant. Et l'on dénonce, bien entendu, outre-Manche, on dénonce ce mouvement français de la décadence et l'on évoque, bien entendu, les scandales du procès des Fleurs du Mal, de Baudelaire, de Madame Bovary, etc. Autant de preuves de dépravation. En vérité, Wilde est tout à fait conscient du scandale qu'il vient de susciter, mais à l'époque, il est encore en situation de s'en réjouir et de s'en amuser. Alors, il n'y a pas eu que des critiques négatives, il faut le dire. Yeats, mais ça c'est l'Irlande qui parle dans son United Ireland, va considérer Dorian Gray comme un livre merveilleux. Quant à Mallarmé, et c'est ce que disait Xavier Darcos, Mallarmé qui avait rencontré Wilde à Paris, il lui envoie ce petit message, pour le moins flatteur. « J'achève le livre, écrit Mallarmé, un des seuls qui puisse émouvoir, vu que d'une rêverie essentielle et des parfums d'âme les plus étranges s'est fait son orage. Redevenir poignant à travers l'inouï raffinement d'intellect et humain, à travers cette perverse atmosphère de beauté, est un miracle que vous accomplissez et selon quel emploi de tous les arts de l'écrivain ?» C'est un bel hommage qu'évidemment Oscar Wilde reçoit avec beaucoup d'émotion, car à cette époque, encore une fois, les louanges sont pour le moins rares. Wilde fait même un peu marche arrière, disons-le, expliquant que son œuvre, en vérité, serait la tentative d'un esprit tout à fait conforme de dénoncer la volonté d'un certain nombre de personnes de vouloir faire de l'art une fin en soi. Et ça, c'est pour le moins paradoxal lorsqu'on sait que précisément, l'art pour l'art, l'art considéré comme une fin en soi, c'est ce qui, depuis le début, avait animé Oscar Wilde. Vous connaissez évidemment le thème et le principe de ce Faust moderne qu'est le portrait de Dorian Gray, ce personnage dont le portrait se charge à sa place de tous les stigmates d'une vie pour le moins dissolue et même à un certain moment une vie qui devient criminelle. Le personnage, quoi qu'il arrive, demeure absolument immarcessible. Je cite un extrait de l'œuvre. Car cette beauté merveilleuse qui avait tant fasciné Basil Hallward, et bien d'autres avec lui, il parut ne jamais la perdre. Ceux-là même qui avaient entendu dire sur lui les choses les plus abominables, et de temps à autre de bizarres rumeurs touchant son mode de vie circulait dans Londres et excitait les commentaires des clubs, ne pouvaient à sa vue croire un mot de son infamie. Il gardait toujours l'apparence d'un homme qui se serait tenu à l'abri des souillures du monde. Quand Dorian Gray entrait dans une pièce, ceux qui étaient en train de parler avec grossièreté s'interrompaient. Il y avait, dans la pureté de son visage, quelque chose qui les rappelait à l'ordre. Sa simple présence semblait leur renvoyer le souvenir de l'innocence qu'ils avaient souillée. Ils se demandaient comment un être aussi charmant et aussi gracieux avait pu échapper aux flétrissures d'une époque à la fois sordide et sensuelle. Au fil des ans, vous avez bien compris que c'est le tableau qui va se charger, se flétrir, en quelque sorte s'auto-meurtrir jusqu'à ce qu'on le découvre, ce tableau. Et la découverte est effroyable. Une exclamation d'horreur jaillit des lèvres du peintre lorsqu'il vit sur le tableau dans la pénombre le visage hideux qui lui souriait. Quelque chose dans son expression l'emplissait de dégoût et d'aversion. Grand Dieu ! Ce qu'il avait sous les yeux, c'était le visage même de Dorian Gray. L'abomination mystérieuse n'avait pas encore détruit complètement cette beauté prodigieuse. Il restait encore quelques fils d'or dans la chevelure qui s'éclaircissait et un peu de rouge sur la bouche sensuelle. Les yeux bouffis gardaient quelque chose du charme de leur éclat azuré. Les courbes pleines de noblesse des narines ciselées et du cou modelé n'avaient pas encore complètement disparu. Oui, c'était bien Dorian, mais qui l'avait peint ? Il croyait reconnaître son propre coup de pinceau et le cadre avait bien été dessiné par lui. L'idée était monstrueuse et pourtant il eut peur. Il saisit la bougie allumée et l'éleva devant ce portrait. Dans le coin gauche, il put lire son nom tracé en longues lettres d'un vermillon éclatant. C'était une parodie répugnante, une infâme, une ignoble caricature. Il n'avait jamais fait cela. Et pourtant, c'était bien son tableau. À travers ce conte fantastique, ce que travaille l'auteur, ce qu'il approfondit, je vous le disais tout à l'heure, c'est la notion de représentation sur laquelle je vais m'attarder un instant. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à Oscar Wilde et au portrait de Dorian Gray. Wilde, nous dit Pascal Acquien, pousse sa réflexion sur le brouillage de la frontière entre le vivant et la représentation, puisque dans l'économie du récit, tuer le portrait revient à tuer le modèle. Le tableau, c'est l'homme, c'est aussi le texte d'une conscience obsédée par la peur de vieillir. Mais, et ça c'est très important parce qu'on reste en littérature évidemment, mais le tableau, nous dit Pascal Acquien, est également un texte écrit. Le portrait n'est pas que la projection naïve de l'âme, il est également la représentation à la fois plastique et imaginaire du travail de l'écrivain confronté au travail douloureux que suppose l'art scriptural. Et Xavier Darcos creuse de son côté cette question de la représentation à travers le curieux rapport de Dorian et de l'actrice Sybil Vane. Attiré par la jeune actrice, nous dit Xavier Darcos, il comprend que ce qui l'intéresse en elle, ce n'est pas sa personne, mais les divers personnages qu'elle interprète sur la scène d'un théâtre minable. Il va la voir se métamorphoser selon ses rôles et finit par s'éprendre de ses fictions incarnées successives. Mais quand à son tour, elle lui déclare sa flamme, en se montrant telle qu'elle est, il est cassant et cruel. « Sans votre art, vous n'êtes rien », lui dit-il. Cette dureté ira au paroxysme. Quand Sybil se suicidera, Dorian n'arrivera pas à s'en désoler vraiment. Il exprimera le dégoût de ce corps inanimé, incapable d'offrir désormais la seule chose qui lui importait, des simulacres de vie, des mascarades animées. Tout est là, à mon avis. La laideur de la mort physique sera redoublée aux yeux de Dorian par la lecture d'un article de presse mentionnant l'autopsie répugnante du corps de Sybil. Plus les choses sont réelles, plus elles sont hideuses. La laideur qu'il avait haïe parce qu'elle fait les choses réelles, la laideur était la seule réalité. Nous, à qui plus rien des événements physiques et tangibles n'échappe, écrit Xavier Darcos, puisque tout nous est donné à voir jusqu'aux nauséeux, puisque nous nous vautrons dans l'exhibition des faits matériels les plus débectants, nous pouvons comprendre ce dégoût. Je dirais même que nous le comprenons très bien et qu'une fois de plus, c'est le cas à chaque fois qu'on lit une œuvre d'Oscar Wilde en quelque sorte. Une fois de plus, je songe à ce que je vous disais de Salomé, de De Profundis, les échos qu'est cette œuvre en nous sont non seulement universels, ils sont tout simplement actuels. Bonjour Xavier Darcos. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler de Wilde et surtout pour jeter sur Oscar, puisque c'est le titre de votre livre, Oscar a toujours raison, je crois que c'était Mussolini a sempre ragione, mais là c'est Oscar qui a toujours raison, pour jeter sur lui un regard tout à fait neuf et, ce qui m'a beaucoup plu, extrêmement contemporain, car vous nous parlez autant de nous-mêmes et de notre époque que d'Oscar Wilde lui-même. J'ai pris le parti de considérer que Wilde parlait pour l'universel, comme tous les grands auteurs d'ailleurs, qui parlent pour tous les temps. Et empruntant donc à Borges cette jolie formule selon laquelle Wilde a toujours raison, j'ai essayé de vérifier si cela pouvait s'appliquer à des domaines les plus divers. Alors, ça conduit parfois à quelques anachronismes, quelques coïncidences peut-être exagérées, mais fondamentalement, je crois que il y avait chez Wilde un esprit d'indépendance et de modernité qui, par définition, le mettait en opposition, en méfiance face à l'universalisme de la bien-pensance, face au moralisme universel, face à tous ceux qui veulent faire des systèmes qui marchent pour tout le monde. Et évidemment, ça le rend terriblement utile aujourd'hui. Alors, il y a évidemment un certain nombre de personnes qui, à mon avis, passent à côté du phénomène encore actuellement. J'étais l'autre jour j'assistais à une conférence et la personne disait, mais regardez comme les gens du pop art avaient tout compris avec 30 ans d'avance, etc. Et il citait Andy Warhol, etc., qui, semble-t-il, avaient tout compris du monde moderne et du monde du spectacle dans lequel nous vivons. Mais j'avais très envie de me lever et de crier « Mais relisez Wilde !» 100 ans plus tôt, lui avait déjà tout compris. Absolument. D'ailleurs, je fais ce lien entre Oscar Wilde et le monde du pop art. Je vais même jusqu'à Lady Gaga. Oui, c'est ça, j'ai vu. J'abuse un peu, sans doute. Enfin, en particulier, cette idée que la vérité est plurielle, qu'elle est fragmentaire, qu'elle ne se résume pas, qu'elle ne s'identifie pas dans des théories, dans des systèmes qui seraient portés simplement par, en particulier par la politique ou par la philosophie, et qu'il faut la voir dans ses interstices, dans ses émiettements. Et cette approche de la vérité comme fragile et comme masque est évidemment très moderne. Vous avez d'ailleurs très très bien montré dans l'analyse très subtile que vous avez faite de Dorian Gray à quel point Wilde aime le simulacre, mais il y voit aussi la seule vérité possible. Et voilà, le réel en fait, qui est un peu l'ennemi de sa vie. Alors, pour aller visiter cet univers d'Oscar Wilde en votre compagnie, Xavier Darcos, je vous propose de commencer évidemment par le portrait de Dorian Gray, puisque c'est par lui que j'avais ouvert cette émission. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Toujours au cœur de l'histoire cet après-midi avec vous, Franck Ferrand. Vous nous parlez d'Oscar Wilde avec votre invité. Xavier Darcos de l'Académie française, Oscar a toujours raison, c'est publié chez Plon. C'est un ouvrage qui nous permet de découvrir ou redécouvrir un Oscar Wilde beaucoup plus présent, beaucoup plus familier que ce qu'on a l'habitude de voir. Alors revenons, si vous le voulez, Xavier Darcos, à ce portrait de Dorian Gray, qui somme toute est le seul roman de Wilde, et pour cause, puisque j'ai dit tout à l'heure que c'était une nouvelle qui avait été gonflée pour être publiée en quelque sorte. Ce portrait de Dorian Gray pose d'emblée la question qui va fasciné Wilde toute sa vie, l'œuvre est-elle morale, immorale ou se situe-t-elle ailleurs en vérité, c'est ça. En tous les cas, le portrait de Dorian Gray, vous avez très bien montré que ce livre a choqué, a scandalisé, a gêné, pas tellement pour son sujet. C'était un sujet, au fond, qui avait déjà été traité de plusieurs manières, notamment par le roman fantastique, ce thème faustien de l'âme qui est extérieure à la personne et qui a sa propre vie et qui, ici, va se refléter dans un tableau. C'était pas tellement le sujet. C'est que, à partir de ce sujet, Wilde éclairait un certain nombre de thématiques romanesques qui toutes renvoyaient à une certaine sévérité, notamment sur les bons sentiments, la morale en fait. Le personnage principal est un cynique, c'est un ironique, c'est quelqu'un qui se moque des jeux sociaux, qui profite de la naïveté de beaucoup de personnes, et qui est un jouisseur, qui est même dans une certaine mesure un assassin. Et cette vie ne peut être conduite de cette manière que parce qu'il considère que la vie doit être conçue comme une œuvre d'art, qu'elle ne doit pas se laisser gêner par des questions de morale ou de bienséance, et qu'il faut la conduire avec cette espèce de fantaisie absolue qui permet tout. Alors évidemment, lorsqu'on lisait ça, on trouvait ça évidemment très choquant. Est-ce que Wilde ne faisait pas quelque part, je me suis souvent posé cette question, une sorte de complexe de supériorité? Son style était tellement parfait, ou en tout cas tellement fluide et précis. Sa pensée était tellement originale qu'il se croyait peut-être non seulement au-dessus des lois, ça c'est une certitude, mais au-dessus même de la morale commune d'une certaine façon. Très certainement, et en plus le portrait d'Dorian Gray est un texte jeunesse somme toute. Wilde, 89, c'est tôt. Hein, oui, il commence juste son œuvre, il a 35 ans, et il vient de cette tournée des États-Unis, puisque c'est une commande américaine, vous l'avez très bien dit, je n'y reviens pas, qu'il avait encore plus rendu fou de lui-même. car d'une manière tout à fait étonnante, en circulant aux États-Unis, devant des publics les plus différents, des ouvriers, des bourgeois, des étudiants, il avait envoûté son public par des paradoxes, par des formules emporte-pièce, par des contre-pieds de toute nature. Et il était revenu enchanté de sa capacité à mettre de son côté un public, y compris lorsqu'il disait des choses qui auraient dû l'horrifier. Et comme vous le dites, je pense que ceci a contribué à une sorte d'ivresse un peu de sa manière de faire, qui était peut-être un peu inconsidérée, qui était plus difficile à faire par écrit dans un roman, dans un feuilleton qui va devenir un roman à Londres, qu'on ne pouvait le faire devant des ouvriers du Kentucky. Et, oui. Et donc, je pense que ça a été un de ses risques, en effet. Oui, et c'est un risque qu'on lui fera plus tard payer, parce qu'il ne faudrait pas croire qu'on a voulu simplement stigmatiser à travers Oscar Wilde l'homosexualité. D'une façon plus générale, ce sont toutes ces entorses à la bonne morale qu'on lui a fait payer d'un coup et plus tard. Il y a chez Wilde quelque chose de l'ancienne dialectique des Grecs, un peu vous qui êtes un helléniste très distingué. Est-ce que vous percevez ce goût du dialogue et cette volonté en quelque sorte de faire accoucher certaines vérités par le dialogue et par la conversation ? Vous avez raison de vous référer à la Grèce, d'abord parce que Wilde considérait... considérait que c'était là que l'art s'était fait, que la beauté à laquelle il était attaché, beauté virile, certes était une beauté grecque, mais aussi parce qu'il aimait, en effet, l'échange verbal, la jonglerie, la parole. Moi, j'ai souvent référé à deux autres exemples. Vous avez raison de resituer cette manière par rapport à la dialectique ou à la maïeutique des Grecs. Mais moi, j'ai souvent aussi référé à la manière dont écrit, par exemple, Diderot. C'est-à-dire, il faut des salons, il faut des dialogues, il faut des paradoxes, il faut des gens qui disent n'importe quoi pour que petit à petit... De ce bouillonnement sorte quelque chose. Très exactement. Et aussi au fait que, ce que dit très bien Pascal Aquien, que vous avez cité plusieurs fois à juste titre, c'est celui qui connaît le mieux ces choses, à quel point Wilde était un homme de parole, un improvisateur génial. Même ceux qui le détestaient étaient absolument sidérés par sa présence physique et orale dans un salon ou dans un moment. Et donc, en effet, il construisait sa vérité par un dialogue parfois avec lui-même, par une sorte de jonglerie permanente avec les mots et les idées. Alors, il est constamment en prise sur cette antiquité. C'est un homme qui connaît parfaitement bien l'histoire, et notamment l'histoire de l'art, car il est fasciné par cette dimension esthétique, évidemment. Il est aussi un homme de son temps. Je parlais du décadentisme en vigueur et de cet univers un peu pré-raphaélite et proustien, en quelque sorte. Mais il est aussi, ne l'oublions pas, l'élève de Ruskin. Il est l'élève de tous ces penseurs britanniques de la fin du XIXe siècle qui veulent redonner à l'art la primauté qu'il devrait avoir, selon eux, dans la cité. Bien entendu, c'est ce qui l'a intéressé dans ses études. Il a travaillé à la fois avec Pater, avec Ruskin. Vous avez dit à juste titre qu'il le citait énormément, alors que Ruskin était un personnage tout à fait ombrageux et pas facile. Et presque illisible, disons. Oui. On préfère le lire presque chez Wilde que chez lui-même, n'est-ce pas? Et il a vécu dans ce milieu. Il adorait ce milieu. Et lorsqu'il était installé à Chelsea, lorsque sa mère d'ailleurs est venue vivre avec lui, on l'appelait d'ailleurs la réclamée de Chelsea, sa mère, il vivait essentiellement dans ce milieu d'artistes et de peintres. Et il aimait précisément dans cette peinture pré-raphaélite qu'il a beaucoup défendue, ce décalage par rapport au réalisme, cette volonté de fuir la laideur moderne pour être dans des scènes incroyables, dans un temps immémorial, au Moyen-Âge ou que sais-je, pour vivre dans les légendes. Ce qui renvoie beaucoup d'ailleurs à une de ses formations initiales qu'il tenait de sa mère, de Speranza, qui était son goût pour les légendes gaéliques, pour l'univers... fantasmé, d'Ossian, vous savez, Macpherson, toute cette poésie plus ou moins reconstituée des grands chantres ou des grands bardes gaéliques. Et là, on revient à l'Irlande, donc encore une autre influence. On pourrait dire que cet esprit tellement singulier et qui se pose lui-même et volontiers en rupture sur un certain nombre des façons de penser de son époque, et néanmoins le produit de tous ces courants-là, en quelque sorte. Il en est même un peu, en quelque sorte, l'ultime produit, d'une certaine manière. C'est tout à fait vrai. De ce point de vue-là, il est bien dans son temps, dans sa chronologie. Nous sommes dans la fin du décadentisme, en France en tout cas. Lui, il fait la synthèse de toutes ces grandes tendances post-romantiques. Il se réfère beaucoup aux poètes anglais aussi, aux lacistes, mais il aime surtout cet imaginaire gaélique et irlandais qui a fasciner tous ceux qui s'intéressaient à l'Irlande. Déon encore parle de ce bagout, comme il dit, des Irlandais qui sont capables de discuter pendant des heures. Il dit, nous sommes les meilleurs bavards depuis les Grecs, dit, je crois, un moment, Oscar Wilde, n'est-ce pas, en parlant des Irlandais. D'ailleurs, nous les saluons, tous ces Irlandais, notamment les Irlandais de Paris, qui restent fidèles à la mémoire d'Oscar Wilde, peut-être plus que certains Wildiens proclamés, si je puis dire. Mais ne voyez dans cette remarque aucune critique, bien entendu, de personne. Oscar Wilde aura été le produit de son temps et en même temps, il a totalement ouvert, fait éclater les cadres. C'est ce qui vous intéresse. Vous l'avez découvert quand, vous, à titre personnel? Très jeune, parce que quand j'étais lycéen, nous avions un professeur un peu gaga, passionné de théâtre et de costumes, qui nous avait fait jouer une adaptation par Blondin du crime de Lord Arthur Saville, qui s'appelle Le garçon d'honneur. Et j'avais trouvé ça très amusant de faire tout cela. Ça nous changeait un peu d'air par rapport au lycée des années 60, qui n'était pas follement gay. Et donc, je me suis intéressé à ce moment-là à l'œuvre de Wilde. Je n'ai plus cessé de le lire, de voir ce qu'on écrivait sur lui, de prendre des notes, de voir son théâtre, de le revoir sans cesse. Je suis très fasciné par, en particulier, la virtuosité de son théâtre. Et c'est en lisant l'article de Borges, je me suis dit, mais c'est vrai au fond qu'il a toujours raison, Wilde. Et donc j'ai repris l'ensemble de mes notes. Je le dois à cet incipit, ce point de départ de Borges. Je me dis, mais bien sûr, c'est vrai ça. Ce n'est pas un titre de complaisance. C'est le point de départ. Oui. Et je me suis dit, essayons de reprendre ce que j'ai dans ces notes, parce que moi je suis un lecteur avec un crayon, je garde des notes longtemps, sur plusieurs dizaines d'années, essayant d'en faire une synthèse. Et j'ai découvert que ça marchait très bien, en fait, que c'était un homme de véridiction, de vérité, dupe de rien, extrêmement drôle, et que sa manière de mettre en cause les vérités générales et les manies modernes fonctionnait assez bien. Et nous allons voir jusqu'où elle fonctionne en prenant un certain nombre d'exemples, Xavier Darcos. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Sur Europe 1, un extrait de Prélude sur des airs irlandais. Vous nous parlez cet après-midi dans Au cœur de l'histoire d'Oscar Wilde, de Franck Ferrand, avec votre invité Xavier Darcos de l'Académie française, homme de lettres et homme politique, auteur de Oscar a toujours raison aux éditions Plon. Ce qu'il y a de plus fascinant peut-être dans les textes d'Oscar Wilde, et je mets à part les deux grands textes de la fin, De Profondis et La Ballade de la geôle de Reading, qui comportent une sorte de dimension tragique, pathétique, tout à fait passionnante d'ailleurs, mais qui relève peut-être davantage de la psychologie que d'autre chose. Mais pour ce qui est des œuvres de la période encore brillante et encore légère, la grande période londonienne, elles sont constamment marqué au coin de la lucidité. C'est peut-être la notion clé, finalement. En tout cas, c'est ce qui ressort de votre propre texte, Xavier Darcos. Oui, c'est-à-dire que Wilde était tellement capable de contourner les évidences que tout devenait pour lui sujet d'investigation. Et cette fameuse formule, il dit, vous avez l'air tellement sincère que je ne peux pas croire un mot de ce que vous dites. Et non, cette manie toujours de dire, mais qu'est-ce qui se cache derrière cette manière très solennelle, très affirmée, très didactique de s'exprimer? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il cache au fond, ce type qu'il parle si avec tant de décision? Et donc cette manière de voir toujours par derrière les choses, qui le faisait haïr les réalistes, qui au contraire sont tout le temps en train d'écrire ce qu'ils voient, cette manière de voir du dedans, d'éclairer de l'intérieur, le conduisait à n'être jamais trompé par personne ni par rien, et par déceler des mobiles, des comportements, des échappatoires, des mesquineries voilées, et à les rendre visibles. Mais jamais sans méchanceté. Et ce qui est très important, il y a une certaine bonté chez Wilde, comme je le dis à plusieurs fois, une certaine sympathie. Oui, c'est jamais méchant, au contraire. C'est jamais méchant, c'est ça, oui. Il veut que ce soit drôle. Oui. Mais en même temps, quand même, ça dit la vérité. Ça dit de ne vous laisser pas prendre à ses apparences. Et tout en aimant ce qui était superficiel, parce que le spectacle du monde l'amuse, il le voit en effet pour ce qu'il est, c'est-à-dire pour une comédie dont il essaie de tracer les mobiles. Et qui dit comédie dit création, c'est-à-dire que ce qui l'intéresse, ce qui à ses yeux est pertinent, c'est en fait ce que l'être humain lui-même fait, fabrique, crée. Il y a dans l'œuvre, quelle qu'elle soit, mais évidemment particulièrement dans l'œuvre d'art, une vérité supérieure à la vérité réelle, en gros, si on devait résumer, c'est ça à peu près. Exactement, et à ce point supérieur même, qu'il faut aller jusqu'au bout du raisonnement que tient Wilde, qui dans les prémices sont ce que vous venez de dire, mais à ce point tel que c'est la vérité qui dépend de l'œuvre d'art et pas le contraire. C'est-à-dire que nous regardons le monde parce que nous l'avons vu artistiquement. Nous comprenons les brouillards de Londres parce que nous avons vu Turner. Et ce ne sont pas les brouillards de Londres qui nous font voir Turner, c'est l'inverse. C'est l'œuvre d'art qui nous dit ce qu'est le vrai. Le réalisme d'Oscar Wilde est économe, écrivez-vous. Il émane totalement du langage, de la conversation, du rebond continuel des formules. Et Dieu sait que les formules sont importantes. On va venir au paradoxe dans un instant. Dans le portrait de Dorian Gray, on entrevoit cette technique. Et vous citez le roman. Il jouait avec une idée, devenait capricieux, la lançait en l'air, la transformait, la laissait échapper pour la reprendre. Sa fantaisie l'irisait. Ses paradoxes lui donnaient des ailes. Le paradoxe, c'est la formule wildienne par essence. Alors ça fait rire dans un premier temps, mais ce qui est pas mal, c'est qu'ensuite ça fait un peu réfléchir aussi. Nous revenons à ce que vous disiez tout à l'heure des Grecs. La pensée paradoxale est une pensée qui permet de toucher une vérité supérieure, une vérité cachée, qui permet de renverser les apparences ou les évidences, de casser les habitudes pour atteindre une vérité plus grande. Est-ce que vous trouvez que le théâtre que vous aimez tant, nous disiez-vous, est au niveau de tout le reste, des essais, des contes, du roman, et puis alors bien sûr des grands textes de la fin? Je suis comme vous, je considère que le portrait de Dorian Gray est une œuvre très importante. Mais j'ai une grande passion pour le théâtre de Wilde parce qu'il est une sorte de manifestation physique du mécanique plaqué sur du vivant, comme on disait, du rire. Une sorte de manifestation physique, en quelque sorte, de la démarche wildienne. Et donc, les sujets sont souvent minces dans ce théâtre, mais la frénésie humoristique ne cesse jamais. On ne se pose jamais. C'est admirablement écrit. On est presque fatigué quand c'est fini. On est presque content que ça s'arrête, tellement on était emporté de tous les côtés. Même époque, on a Fedo chez nous, mais alors avec un côté plus pompier. J'aime beaucoup Fedo aussi. Avec un côté. Sont comme ça des mécaniques du rire, en tout cas. C'est des mécaniques du rire, mais alors, en même temps, qui sont très subtiles, parce que chez Wilde, il y a aussi une manière de tourner en dérision un monde de bonne éducation, de civilité, un peu celui qu'on verrait dans les films de James Ivory ou dans Downton Abbey, n'est-ce pas? Vous citez les films de James Ivory, le téléfilm de Downton Abbey, qui ont des succès phénoménaux en France. On peut dire que nous sommes fascinés par cette espèce d'aristocratie campagnarde anglaise, ultra chic. Et que Wilde voit comme une sorte de sujet idéal pour la comédie, les rites et en même temps les vérités cachées. Mais la vérité aussi, et puisqu'il est lucide, soyons-le un peu pour lui, de temps en temps, ce qu'il sera d'ailleurs dans De Profundis, où il l'écrit noir sur blanc et même le redit à plusieurs reprises, il a été lui-même dupe de cela. C'est-à-dire qu'il cherchait deux choses dans la vie, la beauté sur Terre et l'extrême raffinement. Et il les a trouvées dans la personne, j'allais dire malheureusement, de Lord Alfred Douglas, qui n'était peut-être pas le bon compagnon. C'est vrai, mais il dit aussi, nous allons sans doute y venir à Douglas, mais il dit aussi qu'il le savait au fond, qu'il abusait de tout cela, mais qu'il voulait aller jusqu'au bout. D'ailleurs, il y a une conversation avec Gide, très intéressante. Gide lui dit, il faut que je continue, il faut que j'aille jusqu'au bout, que je tente jusqu'à l'extrême. C'est une vie qui est brûlée, qui va très vite, somme toute, n'est-ce pas, un temps très court. Nous étions en train de parler de Dorian Gray, c'est 91, 5 ans après, il est en prison. Quand même. C'est ça. Et entre les deux, il y a les 4 grandes pièces. Entre les deux, il y a un succès sans exemple, pratiquement dans l'histoire du théâtre. 3 pièces dans les 3 plus grands théâtres de Londres en même temps. En même temps, avec des gens qui font la queue, un succès considérable. Vous savez, c'est Shaw qui reçoit une lettre de Wilde qui lui dit « Tiens, je vous envoie un billet pour venir voir une de mes pièces, parce que c'est tout le temps plein. Enfin, je vous envoie même 2, au cas où vous auriez un ami. » Et Shaw lui répond, il dit « Écoutez, je ne viendrai pas à la première. » Mais je viendrai à la seconde, s'il y en a une. Vous en auriez une. Il y avait cet esprit qui est tout simplement la quintessence même de l'esprit de salon, qu'on a très bien connu en France à la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle, et qui a été, on va dire, dont l'Angleterre a pris un peu le relais au XIXe siècle, cet esprit de salon. Peut-être dans notre histoire littéraire, on ne va pas embêter les auditeurs avec cela, tout cela a été capté ensuite par l'œuvre trop puissante, au fond, de Proust, et que plus personne n'a osé après... en parler parce que on est arrivé c'est là. Le trou noir. On est arrivé à une forme de chef-d'œuvre. De perfection tellement absolue que tout le monde était découragé. Ce sujet, c'était se comparer à l'impossible. Il n'y a pas eu ça en Angleterre. Et donc Wilde est resté quand même celui qui a su en parler. Et même s'il n'a pas très bien compris Proust d'ailleurs, puisque leur rencontre, vous savez, il arrive chez Proust, il dit « Mon Dieu, que c'est des chez vous ». Est-ce qu'il n'a pas dû être de nature à faire plaisir à Proust? Aïe, aïe, aïe. Oui, ça, c'est ce qu'ils appellent une rencontre manquée. On ne fera pas une grande pièce de théâtre avec ça, probablement. Non, c'était bref. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous portons sur Oscar Wilde et surtout sur ce qui lui est arrivé un regard très suffisant. Aujourd'hui, nous trouvons que les mœurs de cette Angleterre homophobe, comme on dit aujourd'hui, étaient complètement rétrogrades. Et l'on oublie que la leçon de modernité, c'est à nous que Wilde la donne encore aujourd'hui. J'ai envie de dire, on est loin derrière, actuellement même, dans la conception qu'on a du réel, par exemple. Le réel partout présent et qui domine, c'est ce que vous nous montrez, Xavier Darcos. Mais c'est-à-dire qu'à force de montrer tout le temps, on ne voit plus rien. C'est comme le flot des images, le flux des images sur Internet, ou c'est comme la bibliothèque universelle que permet aujourd'hui un simple clic sur un serveur. Et donc quand tout est possible, rien n'est possible. Et quand tout est donné, rien n'est à voir. On est comme écrasé. Borges encore, d'ailleurs, l'a très bien dit à propos du mythe de la bibliothèque universelle. Quand une bibliothèque est universelle, c'est un labyrinthe, on ne sait plus où aller. Avoir c'est Babel dans les livres. Exactement, c'est Babel, avoir tout, c'est n'avoir rien. Et donc Wilde a très très bien perçu cela. Quant à au procès d'homosexualité qui lui fut fait, comme chacun sait, l'homosexualité n'était pas si rare dans les milieux des collèges britanniques. Elle était même très répandue. Et dans les milieux qu'il fréquentait. Mais la différence, c'est que Wilde, par ailleurs, s'était exposé, avait agacé, et que le prétexte de son comportement sexuel a servi aussi à lui faire payer d'autres choses. Et alors, comme en France, l'homosexualité n'était pas criminalisée entre adultes consentants à cette époque, il est venu se réfugier en France après sa libération de prison. Mais le paradoxe, c'est que les intellectuels français l'ont plus que boudé. Ils l'ont mis au banc. Il était devenu un réprouvé qu'on ne fréquentait plus, en vérité. Oui, ça prouve bien que c'était autre chose qui était... Il y a eu des formules honteuses de la part de Zola, de François Copé... De Jules Renard, qui était Jules le pire. De Jules Renard, le pire. Donc, les gens n'ont pas compris. Ils l'ont vu comme un pitre, quelqu'un qui aurait dégénéré, comme un homme pas honorable. Et donc, ils l'ont rejeté comme un réprouvé, parce qu'ils oubliaient son œuvre, tout simplement. Mais je le répète, je ne crois pas, me semble-t-il, que ce soit simplement le fait qu'il était homosexuel. C'est que tout le reste avait tellement agacé que lorsqu'il s'est trouvé à terre, au fond, on lui a fait pied le reste. Je dis souvent, ça fait penser à la fin de toute comparaison gardée, hein, à la fin de L'Étranger, de la condamnation de Meursault, où Meursault est condamné parce qu'il a tué quelqu'un sur une plage, évidemment, mais aussi parce qu'il n'avait pas pleuré l'enterrement de sa mère au début du roman. Et donc, un ensemble de comportements vient finalement provoquer la condamnation. Et puis, il y a une sorte d'autodestruction chez Oscar Wilde, absolument. Je crois. Il le dit lui-même, encore une fois, hein, c'est tout l'objet totalement de dans le fait que, dès qu'il sort de prison, après avoir tenté événement de devenir jésuite ou que sais-je, enfin ça lui était tout très mal adapté. Il retrouve son amant, Lord Douglas, oui. À qui il doit que des ennuis et qui se comportera mal jusqu'au bout. Vous commencez à dire du mal dans l'affaire Douglas, ne commençons pas parce que ça serait presque infini, puisque lorsqu'il est au bout du rouleau, Wilde, pauvre, malade, mourant, Lord Alfred Douglas Bozzy est devenu le marquis de Queensberry, il a hérité de son père, il est richissime, milliardaire, et il refuse de lui venir en aide de quelques sous. Donc, c'est aurait été un sale type jusqu'au bout, quand même. Il est mal tombé. Il était très beau, mais très pervers. Je connais un certain nombre de ses descendants qui ne vont pas être contents de ce que vous venez de dire, mais je suis obligé d'approuver, Xavier Darcos. Ils sont pour rien, les descendants. Enfin, tout rien. Alors, effectivement, la fin d'Oscar Wilde est d'une très grande tristesse, on l'a dit, et en même temps d'une certaine dignité, hein, il faut bien le dire. C'était devenu ce gros monsieur malade qui errait dans le quartier des Beaux-Arts. Dans l'hôtel, actuellement, ce qu'on appelle l'hôtel rue des Beaux-Arts et l'établissement, l'ancien hôtel d'Alsace où il est mort, mais là, il est devenu un hôtel de luxe alors qu'à l'époque c'était une espèce de gargote, une petite chose, vraiment, une petite auberge. Quant à sa tombe, les cendres d'Oscar Wilde ont été rapportées, elles ne sont plus à Bagneux bien entendu, elles sont au cimetière du Père Lachaise. Il y a cette magnifique tombe qui a été faite au début des années folles, une tombe très monumentale qui, il y a encore quelques années, était couverte de rouge à lèvres parce que toutes les jeunes femmes qui venaient sur la tombe d'Oscar Wilde embrassait la tombe. Alors on a mis maintenant une sorte de grille qui fait qu'on ne peut plus approcher. Je me demande s'il n'est pas triste de ça. Il est certainement très triste. C'est de fait, alors moi je suis allé plusieurs fois sur la tombe d'Oscar Wilde pour les raisons qu'on imagine, parce que j'essaie de m'approcher de lui. La dernière fois que j'y suis allé, il y a 2 ans et demi, c'était littéralement couvert de baisers et de rouge à lèvres, de femmes surtout d'ailleurs, ce qui montre qu'il séduisait tous les sexes. Il était bimétaliste, il est vrai, disait-il, c'est-à-dire bisexuel. Oscar a toujours raison, de Xavier Darcos de l'Académie française. C'est publié chez Plon. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Floriana, qui nous l'a envoyée sur la page Facebook de l'émission, qui veut savoir comment la Prusse est devenue l'Allemagne. Oui, c'est un sujet qui me tient à cœur, moi, ça, puisque la proclamation même de l'Empire allemand, elle a eu lieu dans la Galerie des Glaces du Château de Versailles le 18 janvier 1871. Et donc, évidemment, c'est un événement versaillais, même si, de très loin, ça n'est pas le plus glorieux. Alors, à l'origine, qu'est-ce que c'était que la Prusse? Ben, c'est ce territoire qui, vous savez, actuellement se trouve à l'ouest de l'actuelle Pologne. Au départ, c'était un peuple balte qui vivait là, les bords russes et les presque russes. Et le mot Prusse vient de la... C'est la déformation même de ce terme. Territoire colonisé, rappelez-vous Alexandre Nevski, évidemment, colonisé par les chevaliers teutoniques au XIIIe siècle, dans cette espèce de mouvement des principautés allemandes vers l'Est, hein, ce qu'on a appelé le Drang nach Osten, c'est-à-dire cette marche, cette poussée vers l'Est, que d'autres sous une toute autre forme reprendront plus tard, évidemment. Alors, la Prusse, disons-le, est une construction politique. Ernest Lavisse nous dit que ce n'est pas une région géographiquement prussienne. L'Allemagne est fille de la nature, dit-il, mais la Prusse a été faite par des hommes. Et c'est tout à fait ça. Et qui plus est, des hommes qui étaient singulièrement belliqueux. On connaît la vocation militaire de cet État prussien, au point que Mirabeau, dans une formule magnifique, mais assez injuste tout de même, disait « La Prusse n'est pas un État qui possède une armée, c'est une armée ayant conquis la nation. » C'est un petit peu sévère sans doute, mais il y a de ça. Évidemment, la Prusse entière au service d'une armée conquérante. Pensez au grand Frédéric, bien entendu. Au XIXe siècle, c'est Otto von Bismarck, hein, c'est le chancelier de fer, qui va prendre en main les destinées de cette Prusse et qui va vouloir la transformer, qui va vouloir agréger à cet État très puissant, y compris économiquement, qui va vouloir lui agréger toutes les principautés, tous les royaumes d'Allemagne, plus ou moins degré ou de force, et on peut dire que sur l'estrade qui, le 18 janvier 1871, supportait tous les princes d'Allemagne venus proclamer l'empereur, le nouvel empereur allemand, Guillaume Ier, eh bien, il y avait énormément de personnes qui se trouvaient là contre leur gré, mais elles y étaient néanmoins. Alors on sait ce qu'il en adviendra, cet empire constitué qui va faire deux fois des guerres mondiales. En février 1947, l'État prussien d'origine est complètement dissous par la volonté même des alliés, des puissances d'occupation, et ça va devenir cet État prussien. Il est éclaté entre six Länder, le Schleswig-Holstein, la Basse-Saxe, la Rhénanie-Westphalie, la Rhénanie-Palatinat, la Hesse et la Sarre. C'en est fini de la Prusse, mais l'Allemagne, elle, est toujours là, bien entendu. Bonjour Elena Mornard. Bonjour Franck, bonjour à tous. Avec les experts Europe 1, aujourd'hui nous allons parler d'automédication. Alors je vais plonger dans votre armoire à pharmacie, voir ce qui est bien, voir ce qui est moins bien. En tout cas, l'automédication c'est bien, mais il y a quand même quelques dangers. Lesquels? On en parle avec vous et les experts Europe 1. Surtout, vous n'hésitez pas à nous contacter dès maintenant au 3921, c'est 34 centimes d'euros la minute, ou sur europe1.fr pour toutes vos questions. Les experts vous conseillent en direct jusqu'à 16h, Franck. Eh bien merci beaucoup Elena, je vous dis à lundi à toutes les deux. À lundi Franck.